Pourquoi les miennes sur le trottoir? Pour que les poussins mangent ce soir. Pourquoi les poubelles déchirées? Pour les sangliers et les renards enragés. Les cigarettes dans les canettes et les poulettes tout découpées. Je vais suer toute la journée pour ramasser tous ces déchets. Oh, sexy garçon. Oh oui, c'est sexy. Sexy garçon. Oh, sexy garçon. Oh oui, c'est sexy. Oh, sexy garçon. Si Bruxelles n'est pas si propre, alors on appelle Mister Propre. Oh, sexy garçon. Oh oui, c'est sexy. Oh, sexy garçon. Sexy garçon. Il faut savoir que les éboueurs, oh moi j'adore, font toujours l'effort d'être à l'heure pour vous remercier de votre métier. Oh oui. On vous offre un petit café. Sexy garçon. Oh, sexy garçon. Oh oui, c'est sexy. Sexy garçon. Oh, sexy garçon. Oh oui, c'est sexy. Oh, sexy garçon. Si ils étaient six, oh oui, sur le camion, ce seraient tous des sexy garçons. Sexy garçon. Oh, sexy garçon. Oh oui, c'est sexy. Sexy garçon. J'adore les regarder travailler. Sexy garçon. Oh, sexy garçon. Oh oui, c'est sexy. Merci de respecter leur métier. Oh, sexy garçon.